Radio Campus, il est midi. 1969. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour à toutes et tous. À midi ce 20 juillet sur les ondes de Radio Campus, que ce soit chez vous, à la mer, à la montagne, à la campagne, vous vous préparez à écouter Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux de l'attaque métropole. Et vous faites bien d'écouter cette émission. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. L'émission d'aujourd'hui est réalisée par Florent et animée par René Lascience et Christian. De quoi parlons-nous aujourd'hui en ce mois de juillet, pas mal chaud et pour lequel est prévue une canicule la semaine prochaine, comme celle de juin, paraît-il. Eh bien, on va parler de canicule, de réchauffement climatique et de catastrophe écologique. Pour certains, on parle d'adaptation, comme Jean Jouzel, du GIEC, que tout le monde connaît, je crois, pour qui il faut s'adapter au changement maintenant. On aurait 10 ou 15 ans pour maintenir la température à plus 1,5 degré. Pour d'autres, on irait droit à l'effondrement. C'est ce que pense Yves Cochet, ex-ministre d'Europe Écologie Les Verts, puisque personne, selon lui, n'admettra l'impérative nécessité de diviser par 10 le produit intérieur brut. Tout de suite, en plus. Pour approfondir ces questions pas mal anxiogènes, puisqu'elle est question au bout du bout de la survie de l'espèce quand même, nous avons invité quelqu'un qui réfléchit avec d'autres sur la problématique de l'effondrement et peut-être sur des solutions alternatives. Bonjour Julien Lecaille. Bonjour. Tu es conseiller communal à LM et ancien membre de LV. Tu as tenu à ce qu'on le sache. J'ai cru comprendre. Tu veux inviter quelque chose ? Oui, préciser que j'ai été longtemps militant dans un parti écologiste, les Verts ELV, et je privilégie depuis quelques années plutôt un mode d'action dans les interstices du monde politique, en essayant de susciter des coopérations et en travaillant plutôt en mode transversal, sans être dans un silo partidaire. Et donc c'est un peu des méthodes de travail que j'essaie d'appliquer, de m'appliquer à moi-même à ce sujet, sans avoir d'animosité spécifique par rapport à ELV. Donc effectivement, tu confirmes ce que je disais, tu travailles avec d'autres sur ces questions dont on va parler maintenant. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation pour nous expliquer ce que recouvre ce mot un peu nouveau que mon petit Robert ne connaît pas plus que mon traitant de texte d'ailleurs. René ? Oui, une définition c'est de la... C'est quel mot alors ? La collapsologie. Voilà. Dont voici une définition un peu classique qu'on a trouvée. La collapsologie désigne l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. Elle soutient que l'effondrement est inévitable, qu'il faut se préparer à l'accepter et ensuite survivre à la catastrophe et pouvoir faire repartir la société. Est-ce que cette définition te paraît correcte ou non ? Oui, alors ça me pose les termes du débat qui sont souvent mis en avant, sachant qu'il y a pas mal de visions différentes qui existent dans cet univers et qui sont difficiles à ramasser dans une seule définition. J'aimerais bien en parler un tout petit peu pour reposer quelques termes quand on aura le temps de le faire tout à l'heure. Ah oui, on peut commencer tout de suite, non ? On peut commencer tout de suite, alors pas de souci. Juste la collapsologie, donc c'est un terme qui a été popularisé grâce à l'ouvrage de Pablo Servigne en 2015, hein, « Comment tout peut s'effondrer », qui a installé en fait ce terme de collapsologie, mais c'est juste, c'est important de préciser que c'est un terme qui s'inscrit dans un univers plus vaste en fait de réflexion autour de l'effondrement, de la catastrophe, dont la collapsologie n'est qu'un discours, on va dire, un peu spécifique qui correspond grosso modo à la vision qu'a Pablo Servigne de ces questions-là. Mais en fait, l'univers d'auteur est extrêmement vaste et la différence de point de vue, d'analyse, d'enchaînement systémique en fait des catastrophes diffère beaucoup suivant les auteurs. Donc on peut soit parler de la manière de collapsologie de manière très large en englobant des gens comme Aurélien Barraud ou Greta Thunberg sous l'autel de la collapsologie, ou s'en tenir spécifiquement à ce qu'a écrit Pablo Servigne et aux thèses de Pablo Servigne. Et donc c'est important de savoir un peu de quoi on parle en fait quand on parle de ces choses-là, parce qu'on peut vite en fait confronter les gens à leurs contradictions en mélangeant des auteurs différents, ce qui n'est pas très rigoureux en fait dans la manière de poser les choses. Donc il faut un petit peu savoir de quel cadre on parle en fait quand on discute des en effet, oui. Tu peux nous dire un mot de plus sur Pablo Servigne? Oui, alors Pablo Servigne, c'est un ingénieur agronome qui a travaillé en fait sur ces questions-là dans un univers militant qui était celui d'Attac d'ailleurs, qui était militant altermondialiste en France et en Belgique pendant un certain nombre d'années, et qui a réalisé notamment à la demande de Yves Cochet un rapport qui s'appelle Comment nourrir l'Europe en temps de crise, qui était le rapport un peu séminal de son engagement après ses travaux de recherche, notamment sur les fourmis, qui lui a mis en fait directement dans cet univers de l'effondrement, des études de l'effondrement, et qui l'a amené à travailler en fait à partir de la question de la résilience alimentaire et de la capacité à assurer l'approvisionnement des territoires en nourriture, qui l'a amené en fait à construire son cadre théorique qui est celui de la collapsologie après. Et donc c'est Yves Cochet en fait qui était le parrain en fait de cet engagement militant, puisque c'était une commande en fait qui était faite par les Verts européens à l'époque à la demande d'Yves Cochet, ce rapport. D'accord. René, une question? Oui, peut-être. Est-ce qu'on peut aborder les causes qui nous ont conduit à la situation actuelle? On peut. Ça dépend combien de temps on a, parce que cette question des causes est une question extrêmement complexe, hein. Ne serait-ce que savoir si on est actuellement dans l'anthropocène, donc dans la modification massive de l'environnement par l'humain. Est-ce qu'on est dans le capitalocène, donc la modification par le capitalisme? Est-ce qu'on est... Des questions soulevées par Daniel Tanuro, je crois. Tout à fait, oui. Alors, qui sont des questions intéressantes, mais qui ne sont pas nécessairement des questions clivantes, pour le coup. Parce que à partir du moment où le capitalisme est la forme dominante de modification économique présente au cours du XXe siècle, de toute façon, on revient à peu près au même. La question sous-jacente étant de savoir si les économies administrées ont ou non leur part de responsabilité dans la situation actuelle. Et en général, on conclut qu'elles ne sont pas totalement innocentes, les économies administrées. Oui, d'ailleurs, il le dit lui-même que peu avant l'effondrement du mur de Berlin, je crois, des pays comme l'ex-RDA, la Tchécoslovaquie étaient en tête des émissions de CO2. Je crois. Voilà. Mais alors, c'est une question compliquée, cette question des causes, parce que si on commence à travailler sur la question des causes, et notamment quelle est la cause de la destruction de l'environnement, on en vient vite à constater que avant même le capitalisme, déjà dans l'époque médiévale, les grandes périodes de défrichement du 11e et 13e siècle qui ont détruit massivement des écosystèmes naturels sur toute l'Europe par destruction de forêts avaient pas besoin du capitalisme, et que la destruction de la mégafaune au néolithique, l'extinction des grandes espèces par les chasseurs-cueilleurs était pas non plus la faute du capitalisme. Donc on est sur une question, cette question des causes est une question extrêmement complexe en fait, parce qu'on doit faire intervenir des questions de volume en fait, de destruction de l'environnement, à laquelle d'ailleurs on n'a pas forcément de réponse, parce que par exemple pour l'extinction de la mégafaune, c'est encore que des hypothèses. Ah oui, alors après ça, c'est encore la question de la crédibilité en fait scientifique des assertions qui sont faites, mais enfin, l'impact des humains sur l'environnement, de manière générale, est constaté depuis qu'on voit que les humains domestiquent leur environnement et imposent leur civilisation. Donc c'est constaté. Après ça, c'est une question de quel est l'impact en fait des humains, et l'impact est-il soutenable ou destructeur. Et là, on est au cœur vraiment des questions de l'effondrement, des questions de la collapsologie, à savoir, est-il possible de réduire l'impact des humains sur l'environnement? Et la question de savoir si c'est possible ou pas possible va déterminer pas mal de postures politiques derrière. C'est en effet plutôt comme ça que moi j'entends les causes, si tu veux. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on peut faire ou qu'on peut pas faire ? C'est cette question-là. Autrement dit, est-ce qu'il faut se préparer à accepter la situation de l'effondrement à terme ? C'est un peu ce que dit Cochet, mais avec des termes d'une radicalité quand même importante. Et plus soft, c'est plutôt Jean Jouzel. Ça, c'est ces causes-là qui me semblent intéressantes de dire. Peut-on survivre après une catastrophe, s'il y a catastrophe ? Voilà ces questions-là. Donc, les causes sont moins celles qui sont importantes, hein, l'anthropocène, l'industrialisation, etc., que... qu'est-ce qui fait qu'on ne réagit pas forcément, et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas réagir en fait? En fait, c'est plus des causes psychologiques qui fait qu'on est... Ah, pas forcément, le système. Dû au système qu'on n'arrive pas à modifier parce que c'est trop complexe, quoi. Oui. Est-ce que ça peut être une raison? Alors là, pour bien comprendre en fait de quoi on parle en fait sur ces trucs d'effondrement, vous avez évoqué le mot de système, et c'est effectivement la question de système qui est au cœur en fait des interrogations, puisqu'on part sur des choses qui sont des analyses systémiques. Puisque de manière classique, on a un traitement, par exemple, de la question du changement climatique qui se fait par une analyse des émissions de CO2, de l'impact que le CO2 vont avoir sur les territoires, mais qui n'est en fait qu'un silo en fait de pensée. La question du changement climatique est une question importante, mais qui n'est qu'une question parmi d'autres, en fait. Qui est une question à côté de la question de la crise de la biodiversité et de l'effondrement des écosystèmes, qui est une autre forme d'effondrement, qui fait qu'un certain nombre de gens évitent de parler d'effondrement au singulier et préfèrent parler d'effondrement au pluriel, de dire il y a un certain nombre de crises systémiques que nous vivons, il y a des effondrements, donc un effondrement dû au changement climatique, un effondrement dû à la crise de la biodiversité. Et il faut savoir que, par exemple, Yves Cochet, lui, et Pablo Servigne aussi par Ricochet, sont par, on va dire, sur un créneau un peu spécifique, qui est la question du pic pétrolier. La question en fait de la crise des ressources. Des ressources. Il y a encore une autre crise en fait, et qui est pour le coup une crise qui est bien moins analysée et bien moins établie en fait que les deux crises que j'ai évoquées précédemment, puisqu'en fait ça se base en fait sur la question de la difficulté à court terme qu'on va avoir à se procurer des énergies fossiles pour faire tourner notre civilisation thermo-industrielle, qui est l'argument central. Et aussi des matières premières qui nécessitent de plus en plus d'énergie pour leur extraction, et qui, dont par exemple pour certains minerais, la teneur en métal est de plus en plus faible. Philippe Biwix, dans ses ouvrages sur les low cost, qui s'est penché sur la question. Peut-être. Les low-tech. Les low-tech. Oui, effectivement, parce que c'est au cœur de l'argument en fait sur la question de la crise des ressources, à savoir que on peut effectivement faire un certain nombre de process pour récupérer des matériaux, pour aller sur des énergies renouvelables. On peut faire un certain nombre de choses pour essayer de faire face à des crises écologiques. Mais ce qu'on met en place génère ses propres risques et ses propres externalités. Et typiquement, on se retrouve dans la situation où il faut de plus en plus d'énergie et de plus en plus de matière pour se procurer l'énergie et la matière dont ont besoin nos technologies. Par exemple. Alors voilà, par exemple, en fait, c'est que on a des discussions sur les réserves pétrolières, savoir quel volume de pétrole dispose-t-on pour les 10, 20, 30 prochaines années. Et on est face à un phénomène qui est que les ressources qu'on connaît en volume sont de plus en plus difficiles à extraire, soit parce que ça correspond à des pétroles non conventionnels, soit parce qu'il faille de forêts de plus en plus profondes dans les poches en fait d'hydrocarbures pour aller chercher les hydrocarbures canadiens. Donc il y a une complexité de plus en plus grande qui se met en place, qui coûte de plus en plus pour un rendement de plus en plus faible. Un très bon exemple étant la question des gaz de schiste aux États-Unis, où on a une révolution autour du gaz de schiste qui a mis les États-Unis comme premier producteur d'hydrocarbures grâce aux poches de gaz et pétrole de schiste qui ont été forées, tout en faisant de plus en plus appel à des capitaux par derrière pour financer en fait l'extraction, donc en creusant en fait d'un point de vue financier, creusant la dette financière, en détruisant des paysages et en faisant des puits qui s'épuisent extrêmement vite et qu'il faut renouveler sans cesse, en créant de nouveaux puits, en créant des mini tremblements de terre, donc en déstabilisant aussi la stabilité du sous-sol, et donc en augmentant l'impact, en augmentant la difficulté, en augmentant le report sur un certain nombre d'autres facteurs pour aller produire cette énergie. Et donc, en fait, on a une course en avant, en fait, de déplacement de la recherche de l'énergie qui crée de l'instabilité sur d'autres paramètres. Oui, et je reviens sur la question de coût. J'ai entendu, là, j'ai pas de confirmation, mais un baril de pétrole, ça coûte 3 euros à extraire. Un baril de gaz de pétrole de schiste, donc, ce serait 30 à 40 dollars, quoi. Oui, c'est assez terrifiant, en fait. La santé financière des entreprises qui font ce genre d'opérations, en fait, est quelque chose qui n'est pas assuré. Et c'est d'ailleurs un facteur de risque qui fait que les gens qui anticipent en fait un effondrement à court terme pensent que l'effondrement à court terme va prendre essentiellement la forme d'une grande crise économique multifactorielle, dont l'un des facteurs serait cette dette financière qui est créée par le fait qu'il y ait une complexité de plus en plus grande à aller chercher de l'énergie. Oui, et puis du fait, je pense incontestable, de l'aveuglement des politiques qui continuent de parler de croissance, qui continuent de parler d'extraction, qui continuent de parler de dire que l'emploi se résoudra parce qu'on aura plus de points de croissance, etc. Enfin, c'est quand même problématique. Sans compter que on essaie de faire en sorte qu'on consomme mieux, on essaie de défendre les voitures électriques qui posent les problèmes que s'il y a les renais sur l'extraction d'autres minerais qui rares, etc. Voilà, c'est quand même un problème. Parce que le problème, Paul Jorion à ce micro l'avait signalé, en fait, ce qui est curieux, c'est que les politiques savent tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on est en train de dire. Ils le savent et ça ne change rien. On est en train d'en être sur un bateau qui, avec son inertie continue de voguer. Quoi. Alors, à ce sujet-là, il y a plusieurs choses. Les analyses en fait, de collapsologues Cochet ou Servigne sont sur celle de la dépendance structurelle aux hydrocarbures. C'est-à-dire que, quel que soit ce que pourraient souhaiter des politiques, passer à un autre modèle que celui d'une dépendance aux hydrocarbures pour la mobilité, pour les engrais, pour l'ensemble de ce qui fait la civilisation industrielle que l'on connaît, serait un coût en fait trop important et à trop long terme pour faire face à un problème de disponibilité des hydrocarbures qui va survenir avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit pour l'empêcher. Donc ça, c'est l'analyse de ce courant de pensée qui est dans la lignée de l'ASPO, Association for the Study of the Peak Oil, qui a beaucoup structuré en fait ce genre de réflexion. La politique en fait des institutions internationales, des gouvernements, c'est une logique de découplage, c'est-à-dire que on cherche à découpler la production de CO2 de la consommation d'énergie, et donc l'idée c'est qu'on va utiliser de plus en plus d'énergie non carbonée, donc voilà, on va on va faire en sorte qu'on ait encore autant d'énergie, mais avec moins de carbone. Mm-hmm. Donc, il y a un découplage en fait, qui est visé. Il y a d'autres découplages qui sont en cours, hein, qui essaient d'être faits. On essaie de découpler la croissance économique de l'impact environnemental, essayer d'imaginer une forme de croissance verte, d'une croissance à impact limité. On essaie de, les institutions essaient aussi de réfléchir à un découplage en fait de la question du bien-être de celle de l'activité économique. Donc c'est quand même des choses qui sont en cours, hein. Enfin, faut se rappeler que Nicolas Sarkozy avait fait appel à Stiglitz en fait pour faire un travail sur la question des indicateurs. Donc ces questions de découplage, elles existent à un certain niveau dans les institutions. Elles sont pas majoritaires. La question que se posent les collapsologues, c'est de savoir si on n'arrive pas à faire ce découplage parce que il y a une mauvaise volonté, parce qu'il y a une inertie, ou est-ce qu'on n'arrive pas à faire ce découplage parce que ce découplage n'est pas possible? Oui. Et un certain nombre d'auteurs, je veux dire notamment Jean-Marc Jancovici, qui sont des auteurs qui travaillent sur des visions énergie-centriques, disent que de toute façon, on ne peut pas décorréler, on ne peut pas découpler, et que de toute façon, il y a un lien extrêmement fort entre activité économique et consommation d'énergie, qu'il y a un lien extrêmement fort entre consommation d'énergie et production de CO2, et que le découplage n'arrivera pas. Ce qui arrivera, c'est des réductions massives de bien-être. C'est ça, c'est tout ce qui peut arriver. C'est la seule chose qui puisse arriver réellement, et qu'il y a des petites marges de manœuvre, on peut faire des petits découpages, on peut faire un peu d'efficacité, mais que ce à quoi on ne coupera pas, c'est de réduire massivement le niveau de vie et le bien-être. Qui est quelque chose qui est contesté notamment par les théoriciens de la décroissance, qui disent qu'on peut découpler en fait l'activité économique et le bien-être, ou faire des formes de prospérité sans croissance. Enfin, un certain nombre d'auteurs qui défendent ce point de vue-là. Les collapsologues ont une vision pessimiste là-dessus et pensent que ce découplage n'est pas possible et n'arrivera pas. Sur le découplage, on avait vu des courbes que présentait Philippe Biwix dans son livre. En Europe, sur l'augmentation, c'était l'augmentation du PIB qui serait déjà découplée en Europe par rapport à l'émission de CO2. Par contre, il est critiqué en disant, bon, après, on a beaucoup exporté de la production en Chine, par exemple, donc on peut aussi, si on regarde tout l'Europe, mais après, il disait aussi, au niveau du monde, c'était pas encore très clair, mais qu'il fallait être très très prudent sur les chiffres, sur le calcul des chiffres qui sont pas forcément très fiables au niveau mondial. Je sais pas si tu sais quelque chose là-dessus. Bah, c'est un argument qui est assez classique, hein. Effectivement, l'industrie européenne fait des efforts pour limiter son impact et aller de faire des formes de croissance verte, mais au niveau d'impact de la consommation occidentale sur le reste du monde, on n'arrive pas à observer en fait ce découplage, ce qui dit pas qu'il existe pas d'une certaine manière, mais les instruments de mesure en fait sont effectivement pas encore assez fins pour voir les choses. Par contre, on a des données agrégées sur l'ensemble de la planète, et sur l'ensemble de la planète, on n'a pas de bonnes nouvelles à ce sujet-là. Enfin, il n'y a pas de bonnes nouvelles qui apparaissent et qui montrent actuellement qu'on aille vers le niveau de découplage nécessaire. Les données agrégées sur le CO2, c'est une augmentation, sur la consommation de matière, enfin, toutes les courbes sont en augmentation. C'est d'ailleurs pour ça que il y a un gros succès, à mon avis, des thèses sur la collapsologie. C'est que à partir du moment où on commence à aller regarder quelles sont les données, qu'on est un peu sensible aux données, qu'on est un peu sensible aux études globales, qu'on est un peu sensible aux études scientifiques, on est extrêmement vite noyé sous un flot de mauvaises nouvelles environnementales. C'est-à-dire, les gens qui font de la veille sont noyé en permanence, et que le ratio de bonnes nouvelles, de réussite et de résultats effectifs en fait de ce qui est nécessaire, à savoir le découplage, la baisse de l'impact, les bonnes nouvelles existent, mais sont extrêmement minoritaires par rapport à ce qui est de l'ordre de l'effet global constaté, et par rapport à la prédiction, quoi, par rapport à ce qu'on peut anticiper pour le futur. Bien, bon, on va essayer d'anticiper le futur, justement. l'effondrement dont on parle, quelle forme il a, même si tu as annoncé déjà quelques idées. Est-ce qu'on peut le voir arriver d'une manière brutale, ou est-ce que ce sera une suite de phénomènes partiels, enfin, une sorte de progressivité touchant un secteur, puis un autre, etc. Alors là, encore une fois, ça dépend des auteurs qu'on suit. Il y a un certain nombre d'auteurs qui sont des auteurs plutôt à dominante survivaliste. C'est des auteurs qui anticipent plutôt un effondrement extrêmement brutal, extrêmement à court terme, et ayant très vite une forme économique et institutionnelle de disparition de l'institution. C'est pas loin d'Yves Cochet, ça. C'est pas loin du tout d'Yves Cochet. Ouais. Pas loin du tout. Et c'est pour ça qu'il y a des proximités, on va dire, avec le courant survivaliste, où ces gens disent que en gros, l'économie va se rendre compte du problème environnemental dans lequel on est. Il va y avoir une énorme panique économique, il va y avoir des faillites en série, il va y avoir des formes de succession des effondrements qui sont décrites par Dimitri Orlov dans les 5 stades de l'effondrement, et il va y avoir un jeu de dominos qui va se mettre en place à court terme, et les institutions vont disparaître à court terme, parce que typiquement, bah voilà, il y aura une guerre, en Iran, et donc il y aura toute la production pétrolière qui va être stoppée, et donc les tankers, les pipelines qui circulent sur la planète actuellement n'arriveront pas plus à faire leur travail, et donc voilà, il y aura une succession comme ça de crises qui sera une succession de crises majeures. C'est la vision d'un certain nombre de gens, qui n'est pas une vision partagée. Qui n'est pas une vision partagée, parce que bon, le problème du futur, c'est qu'il nous surprend toujours. Bon, mais là, ce que tu dis sur l'Iran, l'Irak, le Moyen-Orient, il y a quand même une volonté quelque part de Trump de placer Texaco, Exxon sur le pétrole iranien, quoi. Hein, Oui. Non, mais il y a des enjeux réels. Oui. Enfin, c'est-à-dire, les différents auteurs, en fait. On peut imaginer ça comme une série de dominos. Il y a plein de dominos, en fait, correspondant à des crises, à des phénomènes, à des risques qui augmentent. Donc la taille des dominos, elle grandit, et qui sont placés à différents endroits. Et puis on peut imaginer qu'il y a une crise qui va se faire s'effondrer plein de dominos. On peut l'imaginer. Ça serait dans le cadre, alors là, ça serait brutal. Ça serait brutal. Suite à une suite de petites crises régionales, d'un seul coup, crac, tout s'effondre. Grosse crise quand même. Ouais. Il y a d'autres auteurs qui ont d'autres scénarios, qui imaginent par exemple un certain nombre de bouleversements climatiques, donc des canicules en majeure partie, plus un certain nombre d'événements climatiques, style orages qui se passent, qui détruisent des récoltes. Et donc là, il y a l'ONU qui travaille sur quelque chose qui s'appelle l'effondrement simultané de plusieurs greniers à blé, où il n'y a pas que du blé, mais enfin des céréales diverses et variées. Et en même temps, sur toute la planète, une série de canicules et d'orages qui fait que les récoltes pourraient sur pied ou sont pas récoltées. Du coup, au moment de faire la récolte, bah, il n'y a rien, parce que toutes les cultures céréalières sont mortes. Du coup, diffusion sur l'ensemble de la planète d'un manque en fait en matière de céréales, et il faut savoir que grosso modo le céréale, c'est ce qui constitue la base énergétique en matière de protéines sur l'alimentation, et donc si on a une interruption de l'équilibre des apports en protéines céréalières, problème de faim mondiale, pas de faim dans le monde, de faim mondiale qui se propage et qui devient une crise majeure. C'est un risque qui est réel, qui est étudié par l'ONU, pour lequel il y a de la prévention, pour lequel il y a des stratégies d'adaptation qui sont en train d'être faites, est-ce que cette crise marque une fin de la civilisation? En soi, c'est pas évident. C'est parce que on peut réduire en fait l'apport alimentaire des populations. Alors on mange beaucoup moins. On a une malnutrition généralisée. Est-ce qu'une malnutrition généralisée, c'est la même chose que la fin de la civilisation? C'est pas sûr. Et donc, se posent beaucoup les questions de résilience à partir de ce qui est évoqué, c'est-à-dire. On est à peu près certain, scientifiquement parlant, qu'on va vers une montée des crises et des catastrophes localisées. Est-ce que les sociétés, est-ce que les territoires sont capables de formuler une réponse et de reprendre leur vie après la crise? C'est une question qui reste entière. C'est une question qui est pas écrite à l'avance pour moi. Moi, j'essaie de donner un des exemples. En fait, je pense qu'on a déjà des exemples d'effondrement qu'on n'interprète pas comme des effondrements, mais qui se passent sous nos yeux. On a notamment des effondrements qui sont liés à l'érosion du trait côtier, enfin le changement du trait de côte, et donc un certain nombre de villes balnéaires qui sont confrontées à ça. On a un exemple en fait qui concerne Soulac, en fait, qui est une commune qui avait construit un ensemble en fait un immeuble en fait en fond de mer dans les années 60, et en fait suite à plusieurs facteurs, donc l'exploitation d'un banc de sable, en fait, parce que le sable aussi c'est une ressource extrêmement convoitée pour faire du béton, et donc on extrait du sable en fait un peu partout. Donc suite à une exploitation comme ça d'un banc de sable, suite aussi à l'avancée de la mer, on a des tempêtes qui sont devenues de plus en plus proches en fait du bâtiment qui s'appelle le Signal, et donc il y a eu des tempêtes de plus en plus fréquemment, et en 2014 la préfecture a ordonné l'évacuation. Elle considérait que à un moment il y avait trop de tempêtes et que le territoire n'était plus viable, et donc suite à une tempête, la préfecture a dit que le territoire devait être évacué, et donc qu'on ne rallumerait pas l'eau, le gaz, l'électricité sur ce territoire, que c'était fini, que les gens qui habitaient là devaient partir. Un bel exemple de micro-effondrement. C'est un micro-effondrement sur un territoire, un micro-territoire pour le coup. Oui. Mais là, c'est une décision de dire ce territoire n'est plus viable. Et donc il y a eu un principe d'indemnisation par l'État des gens, parce que il y a encore un système étatique qui est en mesure derrière de faire jouer un rôle assurantiel et donc de faire l'indemnisation, mais pour combien de temps et pour quel volume? C'est un moment, si on doit évacuer des départements entiers, qu'est-ce qu'on pourra indemniser réellement? Et donc on a un phénomène comme ça de réfugiés climatiques internes aux pays développés qui commencent à développer. Ça commence à se faire beaucoup aussi aux États-Unis pour un certain nombre de territoires qui à un moment ne sont pas reconstruits après des tempêtes, et qu'on considère que le territoire n'est plus viable. À un moment, il y a des zones au Texas actuellement où pendant des périodes de plus en plus prolongées, on ne peut pas vivre hors d'un habitat climatisé. C'est-à-dire on doit vivre entre sa maison climatisée, sa voiture climatisée et le centre commercial ou son travail climatisé, son bureau. Mais on ne peut pas aller à l'extérieur pendant des périodes de plus en plus importantes de l'année, parce que la température augmente et qu'à un moment, ces territoires sont-ils continuellement viables? C'est pas sûr. Et donc là, on a des effondrements de territoires. Et donc, c'est pas l'enfondrement de la société, c'est une reconfiguration profonde du territoire auquel on est confronté pour construire la résilience. Parce que ça nécessite juste trop de ressources pour que considérer que ce territoire doit continuer à être viable. Je sais que j'ai déjà entendu parler de signaux faibles. Est-ce que ces événements-là ne sont pas des signaux faibles de l'effondrement qui vient, en fait? Sans doute. sans doute, parce que... alors moi, personnellement, je ne me décris pas comme collapsologue, c'est-à-dire je ne fais pas partie de la ligne de pensée décrite par Cochet ou Servigne qui correspond à l'enchaînement spécifique dans lequel ils sont. Je m'intéresse à la question de l'effondrement de manière plus large, et je suis plutôt en fait sur d'autres auteurs. Enfin, je suis d'accord plutôt avec des gens comme Georges Douzel qui décrivent en fait ce qu'on vit comme une espèce de catastrophe lente. C'est-à-dire c'est une catastrophe qui se déroule à une vitesse très rapide, mais très rapide à une échelle géologique, qui est ça se déroule à une vitesse qui reste relativement acceptable pour les humains et les institutions. Les humains sont capables de faire face à cette catastrophe au rythme auquel elle se déploie en faisant des efforts d'adaptation au fur et à mesure, et on peut, d'une certaine manière, minimiser l'impact de la catastrophe en faisant les bons choix de mitigation et d'adaptation. Mais encore faut-il les faire. Et justement, et c'est bien ça ce problème, parce que effectivement, je l'ai dit en introduction, il y a quand même quelque chose d'anxiogène, mais de point de vue, ce qu'avait un peu signalé René tout au début, des questions psychologiques là-dessus. Si tu veux, est-ce qu'on peut s'adapter? Est-ce que l'adaptation est individuelle ou est-ce qu'elle est plutôt collective? Enfin, je sais bien que c'est l'un et l'autre en même temps. Mais les questions qui se posent là sont des questions de devenir à très très proche terme. Et on n'a pas l'impression que quand même les tendances lourdes sont remises en cause, quoi. Alors, effectivement, on est sur un problème d'échelle, enfin, qui est bien analysé par les gens qui sont là, c'est-à-dire, enfin, le problème est très classique, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et il y a un certain nombre de gens qui, depuis en fait les premiers signaux sur les questions d'effondrement, ont lancé des choses comme notamment les villes en transition, enfin le mouvement de la transition, Transition Town, qui est parti d'Angleterre et qui est un peu dans les années 2000 fait mobiliser un certain nombre de gens qui se sont lancés dans des initiatives, soit des initiatives dans leur ville. On fait dans sa ville, la ville telle qu'elle existe, avec les gens qui sont là, et on essaie de faire des petites initiatives de transition dans sa ville. Soit on va plus loin et on recrée un bout de société, on recrée un éco-hameau, on recrée un peu une structure en dehors de la ville, et on va s'isoler. J'ai des amis qui sont dans le Cantal, par exemple, qui ont décidé de lancer une structure permacole et autonome dans le Cantal. Voilà. Et donc, ces gens vont ensemble recréer des logiques d'autonomie, des logiques de survie, des logiques de réapprentissage d'un certain nombre de savoir-faire. Il faut savoir que c'est très difficile, c'est très exigeant, ça demande beaucoup de ressources personnelles et psychologiques pour arriver à faire ce genre de choses. Et il n'est pas sûr qu'il y ait quelque chose qui soit une bonne solution. Qui vaille pour tout le monde. On a plein de territoires et plein de configurations humaines et personnelles différentes qui sont à traiter. Il n'y a pas de solution universelle. Alors là, en ce moment, il y a un colloque qui se fait avec un auteur qui s'appelle Jem Bundle, qui travaille en fait, notamment c'est l'un des inspirateurs de Extinction Rebellion en Angleterre. Et ils sont sur un colloque et les conclusions du colloque en ce moment, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut coopérer, il faut faire vivre des communautés, quelles qu'elles soient, et il faut prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Voilà, c'est trois choses à faire. Il y a un auteur comme Vincent Mignoureau qui décline en fait son programme face à l'effondrement. Il faut consommer radicalement moins, partager radicalement plus, et faire plus d'efforts physiques et travailler de ses mains. Voilà, c'est ça, c'est les seules choses qui sont à faire, et c'est en termes d'universalité de réponse, c'est les seules choses qu'on peut apporter, quoi. Oui, parce qu'on peut craindre assez facilement le passage à la barbarie. On va s'approprier ce qui reste à se partager. C'est un risque qui peut arriver suite à l'effondrement. Mais justement, là, puisqu'on parlait, on abordait un peu cette société d'après l'effondrement ou les effondrements. Alors. Est-ce que justement cette nouvelle façon de vivre, enfin cette nouvelle société, n'impliquerait pas justement d'intégrer des valeurs nouvelles pour chacun d'entre nous, et aussi comment rendre désirable cette société post-effondrement, parce qu'actuellement les gens, on peut pas dire qu'ils soient vraiment prêts. On demande beaucoup pour une conclusion, René. Ouais. Mais c'est assez énorme. Alors, le problème, c'est que avant même de pouvoir parler de valeur, on l'a touché rapidement, mais il y a la question psychologique qu'il faut traiter. qui est déjà un gros morceau à traiter avant de parler de valeurs de nouveau monde. Il faut déjà en passer par la question du déni, qui est quand même assez massif et voilà. qui frappe 99, des gens. Donc déjà passer le déni, déjà passer les phases de deuil, parce que psychologiquement c'est difficile à appréhender. On voit un gros problème au cours de l'éco-anxiété, la solastalgie, il y a la nostalgie du monde en train de disparaître, l'angoisse climatique aussi qui est en train de monter. Enfin, déjà arriver à traiter ça, et on est déjà dans l'action, on est déjà dans la valeur, en fait, dans les valeurs qui sont en train de naître. Si collectivement on traite ces questions-là, qu'on prend soin des autres et qu'on prend soin de la dimension psychologique des autres et qu'on développe des valeurs d'entraide et c'est ce qu'on appelle le care. Ouais, effectivement. Moi, de mon côté, j'essaie de développer au niveau des valeurs. J'ai trois valeurs qui guident en fait ce que j'essaie de faire. Le développement de la sobriété, c'est-à-dire de moins en moins de ressources pour de la manière la plus radicale possible. La question de la résilience. Enfin, avoir le plus de solidité possible pour faire face aux crises, quelles qu'elles soient, quelle que soit la forme qu'elles prennent, parce qu'on peut pas les anticiper complètement, mais on peut faire plus de résilience. Et le développement des communs, qui est une question essentielle, et d'avoir une capacité d'autogouvernance, d'autogestion des ressources qui ont de la valeur, le plus possible. Je dirais que, pour finir sur une note positive, si l'espèce humaine peut nous étonner, ça serait bien que tout ça puisse se mettre en place au lieu qu'on s'entretue. Voilà. Merci Florent. Merci Julien. Tu nous as éclairé beaucoup sur beaucoup de points dans cette interview. On avait besoin de ça. Hein. Pour ma part, j'étais un peu parti dans le vide sur cette question. J'avais des lacunes dans l'ignorance, comme on dit, sur la collapsologie. Et je crois qu'on a pas mal avancé avec toi. Merci pour cette interview. Ouais, merci à vous. Voilà, on va passer à une pause musicale soigneusement choisie par Florent, comme d'hab. Quand on fera péter la terre, quand s'effondrera notre empire, quand ce sera la terre des dères, quand tout son tombera en martyr, j'espère qu'il ne va pas rester un couple sauvé du naufrage qui aurait goût de repeupler le monde à notre affreuse image. Quand ce sera la fin du monde, quand ce sera tous anéantis, j'espère être auprès de ma blonde, elle a dans son giron blotti. Je pleurerai comme un enfant, mon égoïsme m'a lâcheté. Tout le monde en fera autant, on voudra tous se racheter. Mais ce sera trop tard pour l'amour, et trop tard pour tout regretter. Comme d'hab, nous serons à la bourre, comme d'hab, nous aurons tout raté. Quand elle nous giclera la terre, quand enfin elle va nous vomir, on l'aura privée d'eau et d'air, elle fera semblant de mourir. Patiente, elle restera stérile, juste le temps de s'assurer qu'aucun de ces humains débiles n'ait réussi à s'accrocher. Et puis il y aura des rayons de soleil perçant le brouillard, et dans lesquels danseront des pollens portés au hasard par des vents vigoureux et sains vers des terres vierges et sauvages. ils auront oublié notre vin, notre bref et violent passage. Donc c'était Evelyne Gallet, La fin du monde. Donc des nouvelles donc de Ludovic qui est justement dans un camping Colapso à quelques kilomètres de Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Voilà, direct, en direct, il a certainement écouté l'émission, je n'en doute pas une seule seconde. Et Christian, tu vas nous parler un petit peu aussi des nouvelles de Jean Cadré. Oui. En effet, je fais un petit billet en trois temps à Jean, consacré à Jean Cadré, j'allais dire parce qu'il le vaut bien. On parle de lui, il fait parler de lui en ce moment. En trois temps, donc primo, un livre. Pas de lui, mais de deux personnes qui lui sont proches. Dominique Méda, sociologue réputé, et Florence Janicatrice, professeure d'économie comme Jean, et surtout qui a été l'élève de Jean, et avec qui elle a ce premier ouvrage, c'était sur les indicateurs de richesse, un bouquin qui a fait autorité. Entre parenthèses, nous avons reçu deux fois Florence à ce micro. Hein. Dans ce nouveau livre, Dominique et Florence ont réuni des contributions d'économistes, de sociologues et d'autres sûrement, inspirées par l'esprit qui a toujours animé Jean. C'est un bel hommage qu'ils lui rendent. L'esprit de mettre l'économie au service de la croissance. Et par l'inverse, évidemment. Nous avons déjà eu d'ailleurs une illustration avec l'entretien que Jean nous a accordé ce micro il y a un an à peu près, un peu plus d'un an, sur prospérité sans croissance qu'évoquait Julien. Une émission que vous pouvez toujours retrouver sur Anglais d'Attacotech, sur donc attaquelille.over-blog.com. Le titre de l'ouvrage, que je reconnais ne pas encore avoir lu, je le reconnais, mais je présuppose l'intérêt du bouquin, tant je connais la rigueur des deux auteurs et le respect qu'elles ont de Jean. Le titre donc, c'est « L'économie au service de la société », avec comme sous-titre « Autour de Jean Cadré », c'est tout dire. C'est édité au petit matin, au premier semestre 2019, et ça vaut 20 euros. Les mêmes petits matins qui ont publié « Adieu à la croissance » de Jean, bien sûr, qui en est à sa troisième édition, c'est dire son succès. Deuxio, toujours dans le même esprit, bien sûr, de Jean Cadré, puisque là, c'est lui-même l'auteur, dans le dossier « L'avenir de l'industrie du monde diplomatique de ce mois-ci », un article de Jean. Courez à l'acheter si vous n'avez pas encore fait, et lisez-le, je trouve ça vraiment très très intéressant. Gag ou curiosité, Jean, dont le thème de recherche de prédilection de tout temps a été les services, on se souvient de son premier ouvrage, un gros ouvrage d'ailleurs, sur les services, voici qu'il écrit donc un article sur l'industrie. Son titre, réconcilier l'industrie et la nature. Où d'un côté, il dit clairement que non, l'industrie n'est pas l'avenir de la société, et il fustige inévitablement les incorrigibles politiques de droite et de gauche, les inconséquents de tout, du tout pour la croissance, les croissancistes. Il y a aussi le long de l'article, un florilège de citations qui valent leur pesant de gaz à effet de serre. Et d'un autre côté, il met en proposition une industrie de proximité, relocalisée, de réparation, du réparable, de récupération, de revente, un modèle d'industrie en nécessaire harmonie avec une consommation raisonnée de biens durables à l'opposé des objets hyper technologisé dont il a été question ici même dans une émission au mois de mai. Avec qui, René, l'invité? C'était qui? Bravo, on a oublié le nom. Il est arrivé au dernier moment, donc... Tu trouveras... Désolé. En un mot, comment dis-je, en finir avec le productivisme. Cette évolution, on connaît Jean, n'ira pas sans le social, sans la reconversion dans l'emploi et du travail. Impensable, selon Jean, si les parcours professionnels ne sont pas sécurisés pour les salariés dont les emplois sont menacés. En fin d'article, Jean rappelle deux statistiques simples et à avoir en tête pour débattre avec les amis. 1. Les ultra-riches émettent 30 à 40 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. 2. La taxe carbone pèse 4 fois moins sur les revenus des plus riches. Notez Madame Borne. Tertio, on ne l'attendait pas sur ce terrain-là. Jean a écrit une pièce de théâtre. Eh oui, il lui manquait ce talent. Eh bien non, il l'a. Oh, il n'a pas quitté ses préoccupations, Jean. Le titre de sa pièce le dit clairement, « Le rouge et le vert ». Un impromptu théâtral et citoyen pour enfin parler de demain. En clair, un écologiste et un syndicaliste ou le désaccord fécond. Évidemment, avec son titre, cette pièce nous parle en même temps de nous qu'elle parle de nous. Eh bien, cette pièce, à angle d'attaque, nous l'avons programmée dans le cadre des 50 ans, 50 lieues de Radio Campus. Elle sera jouée par une troupe d'Angers. Elle sera suivie d'un débat. Ce sera le lundi 12 novembre à 19h à l'AMRES. Notez sur vos agendas, 12 novembre, 19h à l'AMRES. Jean a préféré cet endroit plutôt qu'un théâtre. Que veux-tu, René ? Jean, c'est aussi un modeste. Il préfère rester près des siens, les militants. Oui, j'ai retrouvé le nom de notre invité sur les Lotex. C'était Jean-Jacques Vallée, qui est journaliste indépendant. Alors oui. Oui, c'est oui. Ça. Alors j'ajoute le incarto, au texte de Christian, quand même. Le blog de Jean Gadré est toujours une référence. Oui, en effet. Eh bien, on va te passer la parole, René, avec les activités d'attaque. Et elles sont nombreuses en ces mois de juillet et août. Oui, il se passe pas mal de surtout choses. Surtout juillet, d'ailleurs. Oui. Eh bien, déjà, je vous en ai pas parlé, mais il y a l'Alter Village 2019, alors, qui se tient du 13 au 21 juillet à la Chèvrerie de Dompierre-sur-Mer. C'est à côté de La Rochelle, en Charente-Maritime. En s'appuyant sur les principes de l'autogestion, les participantes et participants mettent en pratique des modes de vie alternatifs. La vie du camp met en cohérence nos comportements avec nos idées, cuisine collective, produits bio et équitables, toilettes sèches, prix libre, participation de tous aux tâches comme aux prises de décision. Se préparer à faire face à l'effondrement. On n'est pas loin, en effet, du camp de Aligny sur je ne sais plus quoi, de Ludovic, sur la collapsologie. Oui. Urgence ratification CETA. Alors, initialement prévu le mercredi 17 juillet, la ratification du CETA, donc l'accord de libre-échange avec le Canada et l'Union européenne, sera soumis au vote de l'Assemblée nationale le mardi 23 juillet. Emmanuel Macron espère faire ratifier cet accord en plein été pour ne pas réveiller les contestations. Alors, pour le climat, pour la santé, l'agriculture, l'emploi et la démocratie, il est encore temps d'interpeller vos députés et vos députés. L'outil d'interpellation est disponible sur le site d'Attaque France et aussi sur celui du collectif Stop Tafta. Oui, c'est très simple à utiliser. On s'adresse directement au ministre par l'intermédiaire d'un menu avec le nom de tous vos députés de votre département, de votre région, etc. Et un message lui est envoyé aux députés directement par le site. Voilà. Contre la privatisation d'Aéroports de Paris, gagnons le référendum. La bataille contre la privatisation d'Aéroports de Paris est engagée et concerne la société tout entière, car c'est une bataille pour la démocratie et il va revenir à toutes et à tous le pouvoir de décider si un référendum est organisé. C'est pourquoi une coordination de mouvements et d'organisations syndicales, associatives et politiques a été lancée. Des initiatives seront menées localement. On en parlera pour Lille tout à l'heure, en effet. Voilà, et je vous rappelle qu'il faut atteindre 4 700 000 signatures pour que puisse se tenir ensuite le référendum national. C'est-à-dire 10% du corps électoral français. Voilà. Et c'est là, de nouveau, vous pouvez signer la demande de référendum sur le site d'Attaque France. Des informations sur le contre G7 à Hendaye, Iran. Iron, pardon, du 19 au 26 août. Alors, pour rappel, le G7 tiendra son sommet annuel à Biarritz du 24 au 26 août 2019. Les mouvements altermondialistes contestent depuis longtemps la légitimité du G7, où les pays les plus riches décident pour l'ensemble du monde. À partir du 19 août, se tiendra un sommet alternatif organisé par la plateforme du Pays basque G7EZ qui rassemble associations, syndicats et partis politiques locaux en coordination avec un collectif d'organisations nationales. Donc du 19 au 20 août, c'est l'accueil. Du 21 au 23, c'est le contre-sommet donc, au centre-ville d'Hendaye et au palais des congrès d'Irun. 24 août, manifestation. Et 25 août, action et rassemblement pacifique sur cette place autour de la zone d'exclusion du G7 à Biarritz. D'accord. On passe au plan local, René. Au plan local. Alors déjà, le collectif pour la gratuité des transports en commun. Oui, notre action concernant la pétition pour un référendum local d'initiative citoyenne qui s'est déroulée le mercredi 10 juillet à l'Européléport de Roubaix a rencontré un vif succès. De nombreux passants ont manifesté leur intérêt pour cette initiative. Plus d'une centaine de signatures ont été collectées. Une prochaine action du même type est prévue le mercredi 14 août de 17h à 19h, également à l'Euro-Téléport. Oui, je précise que notre action porte uniquement sur la gratuité des transports dans la ville de Roubaix seulement. Voilà. Revenez. Et d'autre part, la pétition en ligne est finalisée. D'accord. Le blocage d'Amazon au CRT de Léquin. Alors, mardi 2 juillet, une centaine environ de militants d'Attaque Ville of Dask, des Amis de la Terre et de l'ANV COP21 ont bloqué le site d'Amazon sur le CRT à Léquin. Une action de désobéissance civile non violente menée dans le cadre de la campagne contre l'impunité des multinationales. Elle avait pour objectif d'exiger du gouvernement des mesures sociales, écologiques et fiscales mettant fin aux intérêts privés allant à l'encontre de l'intérêt général et plus particulièrement pour qu'Amazon renonce aux extensions gigantesques qu'il prépare. Alors, un courrier d'interpellation de la MEL, auquel nous sommes co-signataires, les trois comités locaux d'attaque. C'est à l'initiative de l'association Entre Lianes et c'est relatif à l'urgence de prendre en compte la crise de la biodiversité au niveau de la métropole lilloise. Enfin, le référendum ADP au niveau local, jeudi 18 juillet, une réunion s'est tenue à la Bourse du Travail à l'initiative de Solidaires, avec pour objectif la création d'un collectif visant à accélérer la collecte de soutien au référendum d'initiative partagée concernant la privatisation des aéroports de Paris. Plus d'une trentaine de personnes étaient présentes, mandatées par une organisation ou à titre personnel. Le nom décidé pour le collectif, c'est Sauvons ADP Collectif 5962. Des actions durant l'été sont envisagées, donc des stands à proximité des animations estivales comme l'île-plage, Tourcoing-plage, etc. Et une page Facebook sera créée. Une réunion pour préparer la conférence de presse et les actions de septembre, notamment celle durant la braderie de Lille, aura lieu le lundi 26 août. 28. La réunion à 18h. Donc toujours, je pense, à la Bourse du Travail. Et enfin, une conférence de presse se tiendra le mercredi 28 août à 11h à la Bourse du Travail également. Toutes mes confuses, René. Ouais, c'est pas grave. Voilà, donc l'émission se termine. Il n'y a pas, Florent, de calendrier. Non, il n'y a pas grand-chose qui se passe parce pendant l'été. Il n'y a pas grand-chose, c'est une bonne raison pour qu'il n'y ait pas de calendrier militant. Alors, je vous rappelle quand même que cette émission est réécoutable sur campuslille.com pendant 2 mois et que vous pouvez évidemment retrouver les émissions d'attaque sur l'angle d'Attacotech que je signalais tout à l'heure, c'est-à-dire attaquelille.over-blog.com. Vous trouvez les sept saisons donc de notre émission. Et puis, il n'y aura pas d'émission le 17 août. Nous allons pour autant travailler pour réfléchir et réfléchir à la programmation de la huitième saison. Voilà. Nous vous souhaitons un bel été. Malheureusement, je crois qu'il va faire très chaud, n'est-ce pas, Julien ? Eh ben oui, hein, donc deuxième vague caniculaire la semaine prochaine. Il faut commencer à s'y habituer. J'en profite pour signaler au passage un colloque universitaire sur l'effondrement le 21 novembre à la Maison de la Recherche à Lille, donc qui s'appelle « Questionner l'effondrement » et qui rassemblera un certain nombre d'universitaires qui travaillent sur les dimensions psychologiques et urbanistiques de l'effondrement. Très bien. Merci de cette information, on essaiera d'être présent. Voilà, prenez soin de vous, l'émission est terminée, à très bientôt et continuez d'écouter Radio Campus.